بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre troisième et dernière assise autour de cet édio de Cheikh Abdallah al-Bukhari hafidhahullah ta'ala, que j'ai bien envoyé à Abbas, comme l'a recommandé Cheikh Abdallah hafidhahullah ta'ala. Et donc c'est la seule que j'ai envoyée à Abbas, c'est celle dont il s'agit. On en a parlé avec notre frère Suleyman de Guadeloupe, et avec Cheikh Abdallah al-Bukhari, il a dit il faut lui envoyer. Alors qu'auparavant, Cheikh, il a dit tu peux la propager sans l'envoyer. Après, il a changé d'avis, on a mis en application ce qu'a dit Cheikh Abdallah hafidhahullah ta'ala. Les questions pourtant sont claires, les réponses aussi, mais certains d'une librairie de la région d'Argenteuil veulent faire passer ça en règlement de compte. Ajib, un jeune m'appelant de l'Est français, de la région de Metz, dit, pour m'annoncer qu'on lui a dit de ne pas s'occuper de tout cela, que ça c'est des règlements de compte. Alors je vous demande, barakallahu fikoum, où sont les règlements de compte ici? Et avec qui? Demandez à notre frère Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers le bien, hein, qui lui a organisé sa rencontre avec Cheikh Falah Ismail, hein, notre frère Mimoun, l'un des responsables du centre Al-Furqan de Bruxelles, était présent. Et il faut savoir, frère en Allah, Azza wa Jalla et sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, tant que le mail n'était pas public, on ne disait rien. On refusait tout simplement de participer à certains séminaires avec certaines personnes. Et aussi on a retiré nos cours du Dhikrullah, vu qu'il y a Abou Lius aussi dessus. Notre frère Sidati voyait qu'on s'éloignait et qu'on ne voulait plus être avec certaines personnes dans les séminaires, est venu nous voir à Saint-Étienne. Hein, avec, il y avait Suleyman Al-Haïti, il y avait Ammar. Et il y a plus de 2 ans maintenant, et il a eu une discussion avec notre frère Suleyman Al-Haïti. Après, plus tard, je lui ai dit qu'il faut faire quelque chose concernant le mail, et il m'a dit qu'il allait s'en occuper. Et puis le temps est passé, le mail est apparu en public. Hein? On ne peut plus, dans ces cas-là, se taire. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps Sidati à Paris, on a eu une discussion. Notre frère Amjad, qui était dans la voie droite et qui n'est plus maintenant, était présent. Shifatah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve tous. Après, Sidati m'a montré des mails, des courriers de conseil qu'il a envoyé ou qu'il allait envoyer à certains de nos frères de la voie droite. Et donc, vu que le mal était public et que les erreurs étaient propagées, il fallait remédier à ça. Il fallait exposer tout ceci aux hommes de science. Et vu aussi le nombre de coups de téléphone de frères et de sœurs qui appellent pour savoir hein, ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que veut dire ce mail, hein, et vu aussi, hein, la demande de certains de nos frères actifs dans la da'wa, mais ils sont actifs de derrière le rideau, ils préparent tout, ils essayent de faire venir le mashaykh, etc. et de participer matériellement, moralement, à tous les niveaux. je suis parti en Umrah exposer certaines choses du Mail aux hommes de science. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire triompher le haqq, on veut faire triompher les personnes. Que le Mail soit une correspondance privée, certes, mais une fois public, il est sorti du domaine du privé. Rappelez-vous, pour certains, et surtout parmi nos frères prêcheurs, le khitab dhahabi du Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala. Il est sorti de chez lui à son insu, hein, sans qu'il le sache. Mais ça n'a pas empêché les hommes de science de faire des répliques à ce message et de dire haut et fort la vérité. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers le bien, ainsi que tous nos frères et tous nos sœurs, et que ce que nous faisons n'est ni une guerre contre qui que ce soit, ni un règlement de compte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve d'être à ce niveau-là. C'est une religion, tout simplement. As-su'al, nous revenons aux dernières questions posées à Cheikh Abdallah al-Bukhari, Hafidhahullah ta'ala. السؤال كذلك عند بعض الدعاة الآن في فرنسا ونتكلم فقط عن المحسوبين على الدعوة السلفية بعض الدعاة يقول لا بد من الإجماع في قضية الجرح قضية علي حسن هادي لا بد من الإجماع في قضية الجرح والجرح ما هو إلا وجهة نظر فيه من يبدع ومن لا يبدع فأنا إذا أخذت بكلام لا يبدع فلذلك لأن من أفاضل أهل العلم من أخذ به وكذا وكذا. La question, je la répète, parce que la réponse a été coupée quand on s'est arrêté avant-hier. Et certains prêcheurs, et moi je parle que des prêcheurs de France, qui comptent donc parmi les prêcheurs de la da'wah salafia. Certains parmi eux disent qu'il faut le consensus concernant le jah. Ils ramènent le sujet autour duquel parle Ali Hassan. Que le sujet, que le jah, il faut un consensus. Et certains disent que le jarh ce n'est qu'un point de vue. Il y a un homme de science qui rend innovateur, l'autre il ne le rend pas innovateur. Et moi si je prends la position et les paroles de celui qui ne rend pas innovateur, j'ai à le faire puisque une éminence et un noble homme de science l'a fait. Et ainsi de suite. Al-Jawab. يعني هذه المسألة بارك الله فيك أنا أقول لمن يردد هذا الكلام السؤال هل أنت تبحث عن الحق أم تبحث عن الهوى؟ شيخ de dire concernant ce sujet que Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, je dis pour celui qui répète ce genre de paroles, cette question, je lui pose la question, est-ce que tu cherches la vérité ou tu cherches les passions? إذا كنت تبحث عن الحق فليس هذا من مقالات أهل الحق. Il dit si tu cherches la vérité, ben ça, ce que tu dis ne fait pas partie des paroles des gens qui, des gens de la vérité. يعني إذا أجاب قال أنا أبحث عن الحق نقول هذا الأسلوب وهذا الكلام لا يتماشى مع من يطلب الحق كما هو صنيع أئمة السنة. لماذا؟ لسيل غيبون moi je cherche la vérité. Il dit cette façon de parler et ces paroles que tu dis ne concordent pas avec celui qui demande la vérité. Et ça c'est pas la voie et c'est pas ce que font les imams de la sunna. Pourquoi? يقول لأن هذا ينبني على ثانية وهو أن أئمة السنة كانوا يبحثون عن الحق ولهذا قالوا الحق يعرف إيش اعرف الحق تعرف الإجابة. Et Cheikh de nous dire parce que ça c'est basé sur un deuxième point, les imams de la sunna ils cherchent la vérité, ils disent la vérité c'est quoi? Ils disent connais la vérité tu connaîtras les hommes de la vérité, connais la vérité tu connaîtras avec les hommes de la, qui sont sur la vérité. يقول فالبحث عندهم ضالتهم الحق. Et il dit, la recherche, c'est les imams de la sunna, c'est, ils recherchent leur perdu, et leur perdu ici, c'est la vérité, ils cherchent la vérité. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الإمام أحمد في المسند رضي الله تعالى عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Et il nous rapporte cette preuve et cette attarde d'Abdullah ibn Abbas que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré qui est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad que Allah subhanahu wa ta'ala les agré tous, dit que Abdullah ibn Abbas a dit que Allah subhanahu wa ta'ala agréé, des pierres vont vous tomber sur la tête du ciel. Je vous dis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous dites Abu Bakr et Omar. Vous dites Abu Bakr et Omar ont dit, chauffe, فَلَا يَصِحُّ أَن تُمَرِّرَ خَطَأً قَدْ ظَهَرَ وَبَانَ وَاشْتَهَرَ وَذَاعَ بِأَدِلَّتِهِ التَّفْصِيلِيَّةِ فِي شَرْحِ الْمَجْرُوحِ وَبَيَانِ الْحَقِّ فِي بُطْلَانِ مَا قَالَ. نعم ثم تقول قال بعض الفضلاء. Il dit حفظه الله تعالى, il n'est pas permis de propager des erreurs qui sont claires et qui sont réputées et qui ont été propagées et que leur réfutation et le faux de ses paroles a été détaillé. Hein? Deux, d'essayer de couvrir la vérité avec le faux. Alors que, hein, le vrai a été apparent. Et que le faux de ses paroles, de ses expressions, a été montré par les hommes de science. Et, regarde, il attire notre ascension sur, hein, Abdullah ibn Abbas, il a dit, il n'a pas dit certains nobles de science, certains nobles ont dit. Hein? Et la même chose pour nous, il n'est pas permis de propager l'erreur, de marcher sur l'erreur, ou de dire, certains nobles le disent. يقول حفظه الله لأنه لا يجوز أن تستدل بوقوع الخطأ وتمريره بوقوع فاضل فيه بس رضي الله عنه ورحمه الله بس وهذا وهو من ما أصاب وهو من أفاضل أهل العلم il dit حفظه الله تعالى il n'est pas permis de prendre l'erreur d'une imminence dans laquelle est tombée une imminence et de la propager et de se cramponner à cette erreur. Il dit tout simplement que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, ça suffit. Il n'a pas touché la vérité, et il fait partie des nobles hommes de science. Et on lui garde ses honneurs et sa place. Intahina, ça suffit, ça s'arrête là. Yaqul al-Sheikh yushiku an yatabayyana insha'Allah. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, bientôt les situations vont apparaître à ce noble insha'Allah. Bientôt, les situations vont apparaître à ce noble, incha'Allah. Yaqulu al-Sheikh, lakin al-an intahi bi akhi, lakin anta kamithlih, la mukhtalifun anhu. Et Sheikh, il pose la question, il dit, mais maintenant toi, est-ce que tu es comme lui, comme ce noble homme de science? Non, tu es différent de lui. La tabhat ani al-haq, bal tabhat ani al-ma'adir. Tu ne cherches pas la vérité, tu cherches des excuses. وتبحث عن الشذوذات وتترك الحق والبينات et tu cherches les marginalités et tu laisses la vérité et les éclaircissements est-ce qui est clair ومن قال هذا ثالثا ومن قال ان هذا العلم الجرح والتعديل امر اجماع et qui a dit ça troisièmement qui a dit que la science de la réfutation de l'éloge c'est hein, dépend de l'unanimité ou il faut l'unanimité dessus يقول الشيخ هذا الإجماع لا ينطق بهذا من يعرف معنى العلم يا شيخ. الشيخ de dire le consensus concernant cette science ne le prononce pas quelqu'un qui connaît la signification de la science يا شيخ. Le consensus dans le jarh ne le demande pas et ne parle pas du consensus dans le jarh quelqu'un qui connaît la signification de la science. يقول الشيخ حفظه الله هذه الكلمة لا تصدر عن رجل شم علم الحديث وعرفه لأن هذه جهالة فاضحة بارك الله فيك هذه جهالة فاضحة il dit حفظه الله cette parole n'émane pas de quelqu'un qui a senti l'odeur de la science du hadith et qui a connu la science du hadith car c'est une ignorance claire que Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse c'est une ignorance flagrante وكلمات من استدل بها الحلبي ولا غيره في كلمات الإمام النسائي ما فهموا معناها فيما قال إيه أنه إيش إيه الدي حفظه الله تعالى كنت ceux qui ont pris celui qui a prononcé cette phrase le consensus الحلبي ou d'autres Ils l'ont pris dans les paroles de l'imam Nasa'i rahimahullah, ils n'ont pas compris la signification et ce qu'il voulait dire avec l'imam Nasa'i rahimahullah. يقول إمام النسائي أنه لا يخرج أحاديث إلا من أجمع على ترك حديثه. هذا باب آخر ما فهموا ذلالة كلام النسائي ولا مراد النسائي. إلدي حفظه الله تعالى. الإمام النسائي الذي qui ne sort pas, qui ne rapporte pas dans ses écrits les hadiths de ceux sur lequel il y a le consensus comme quoi on délaisse leur hadith. Ceux-là, ils ne rapportent pas leur hadith. La parole de l'imam Nasa'i, c'est qu'il dit, il ne rapporte pas les hadiths, il ne le met pas dans ses écrits, hein, et il ne les sort pas de tous ceux qu'il y a eu l'unanimité sur lequel on doit délaisser leur hadith. Et Cheikh de nous dire ça, c'est un autre chapitre. Il dit, ils n'ont pas compris les preuves de la parole et la signification de la parole de l'imam Nasa'i, ni ce que veut dire avec l'imam Nasa'i. Il dit, « Bal ma arifu la'alla ba'dahum la arifu bimada takallama Nasa'i. » Chauft, il dit, certains parmi eux n'ont même pas connaissance des paroles qu'a prononcé l'imam Nasa'i, rahimahullah. Regarde, عيب هذا الكلام يا شيخ أو جريمة في العلم هذا هذه جريمة في حق العلم هذا أن يتكلم أمثال هؤلاء فيخلطون المسائل ويشوشون على الناس بين الحق والباطل فإنه هذا الصواب ويشوشون على الناس بين الحق والباطل في أنه هذا هو الصواب ليبرروا موقفهم الفاسد الغالط. الشيخ دو نودير عيب سي موفي سو جونغ دو بارول يا شيخ سي تان كريم فيزافي دو لا سيونس سي تان كريم فيزافي دو لا سيونس كو دي جون بارل انسي اي ايل ميلونج لي سوجي لي سوجي اي لي سيتواسيون بور بيرتوربي ليسبري ايل ميلونج انتر لا فيريتي اي لو فو بور véhiculer le faux et leur mauvaise position et pour dire ça c'est la vérité dans leur mauvaise position. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ya akhi, Cheikh de nous dire Ya akhi, barakallahu fik. Idha kunta min ahli al-fan wal-ilm, takallam bil-ilm hatta ujibuka bil-lisan al-ilm. Amma tatakallam bil-lisan ahli al-jahl, ujibuka bil-lisan ahli al-ilm. Qad tafhamu wa qad la tafhamu. Liannaka anta من أهل الجهالة أبدا. من قال باشتراط الإجماع أصلا؟ هذا كلام أحمد، كلام البخاري، كلام أبي حاتم، كلام أبي زرعة، كلام النسائي، كلام الدارقطني. فين الإجماعات التي يدعون؟ فين الإجماعات بارك الله فيك التي يدعون؟ يلدي حفظه الله تعالى. من فخيخ الله سبحانه وتعالى التبينيس. Si maintenant tu fais partie des gens de la spécialité et de la science, parle le langage de la science pour que je te réponde avec le langage de la science. Ou tu parles avec des ignorants, avec le langage des ignorants, je te réponds avec le langage de la science, tu vas comprendre et peut-être tu ne vas pas comprendre car tu fais partie des ignorants et des gens de l'ignorance. Ah ben, jamais de la vie, qui a dit qu'il faut le consensus concernant Jarh? Qui l'a dit? Voici les paroles de l'imam Ahmed, les paroles de l'imam al-Bukhari, les paroles d'Abi Hatim, les paroles d'Abi Zal'a, les paroles de l'imam Nasa'i, de l'imam Dalakrotni. Où sont ce consensus qu'ils prétendent? Où est le consensus, barakallahu fik, dans ce qu'ils prétendent? Yaqulu hafidahullah, ba'dul a'imma kal imam Abi Zal'a rahimahullah, wa ba'dul a'imma kana yara anna Muhammad ibn Humayda ahad al-ruwat كانوا يعدونه في الكذابين. الإمام أحمد كان رحمه الله كان حسن الرأي فيه. ما رجع الإمام أحمد، ما رجع أبو زرعة رحمه الله عن قوله لقول الإمام أحمد أبدا، لأنه عنده علم ومعرفة بأنه كذاب، لكن كان يتظاهر عند أحمد بالصدق وحسن الحديث. فلما قيل لأبي زرعة أن أحمد يثني عليه ويحسن الرأي فيه، قال يوشك أن يتبين الإمام أحمد، يوشك أن يتبين الإمام أحمد إن شاء الله. إمام، لا شك أن الإمام أحمد في العلم أعلى وأجل قدرا من أبي زرعة رحمه الله، وكلاهما إمام. Écoute maintenant, ouvre bien tes oreilles, frère en Allah عز وجل, pour que tu comprennes comment ils étaient nos imams, رحمه الله تعالى. Il dit, Hafidahullah Ta'ala, certains imams, comme l'imam Abu Zar'a, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, et ainsi que d'autres imams, voyez que Muhammad ibn Humayda, qui est un des transmetteurs de hadith, ces imams le considéraient comme un menteur. Regarde bien, comme un menteur. L'imam Ahmad rahimahullah, il avait une bonne opinion sur lui. Et Abu Zar'a et les autres imams ne sont pas revenus à la position de l'imam Ahmad, abadan, car ils avaient une science de plus. Ils connaissaient que Abu Humayda Hada était menteur et que tout simplement il se donnait une apparence de véracité devant l'imam Ahmed. Et une apparence comme quoi il est bon dans son hadith devant l'imam Ahmed. Et quand on a dit à Abu Zar'a que l'imam Ahmed faisait les éloges de Muhammad ibn Humayd et il a une bonne opinion sur lui, il a dit quoi l'imam Abu Zar'a? Il a dit, bientôt la situation va devenir claire à l'imam Ahmed. Bientôt la situation va devenir claire à l'imam Ahmed. Bientôt la situation va devenir claire à l'imam Ahmed, incha'Allah. Imam, la chaque café, il n'y a aucun doute que l'imam Ahmed, c'est un imam, il n'y a aucun doute, une montagne de science. Hein? Et il a une place beaucoup plus haute qu'Abu Zar'a et qu'Abu Hatim et d'autres. Hein? C'est une éminence de science qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Abu Zar'a et Abu Hatim étaient des imams aussi. Et فذهب أبو زرعة رحمه الله ومعه أبو حاتم فحدث أحمد بما يعرفان عن حال ابن حميدة عن حال ابن حميدة هذا نفض يده بعد ذلك ورجع إلى قومه الإمام أحمد نفض يده منه ورجع إلى قولهم ما ضر الإمام أحمد وما أنقص من قدر من؟ من قدر الأئمة أبو زرعة أو أبي حاتم هذا الذي يبحث عن الحق ما قال أنا إمام أهل السنة ما قال ما أدري أنا خلاص أنتم لكم رأي وأنا لرأي ما فيه هذا هذا دين إلى حفظه الله تعالى يجب بيان كتب اختز غايسا أبو زرعاء يا أبو حاتم رحمة الله عليهم سيزيتي دي غونز إمام إيه ils sont allés voir l'imam Ahmed ils lui ont dit tout ce qu'ils savaient sur Abu Humayda. Et l'imam Ahmed a laissé tomber Abu Humayda. Et il est revenu à la position de Abu Zar'a et d'Abu Hatim, rahimahumullahu jami'an. Ça n'a pas diminué de la valeur de l'imam Ahmed, abadan. Et ça n'a pas diminué de la science de l'imam Ahmed, abadan. Comme ça n'a pas diminué de la valeur de l'imam Abu Zar'a et Abu Hatim. Ça, c'est la voix de celui qui cherche la vérité. Hein? Il n'a pas dit je suis un imam des gens de la sunna ou je sais plus quoi. Khalas, vous avez votre opinion et j'ai mon opinion. Abadan, c'est une religion à l'islam. Hein? Et cette expression qu'a dit Cheikh ici, yushikwan yatabayan, combien de fois Cheikh il me l'a répété, yushikwan yatabayan, quand je lui dis, hein? Certains s'accrochent à certaines phrases de certains nobles hommes de science contemporains. Il dit, bientôt la situation va devenir claire à cette imminence de science. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? يقول الشيخ حفظه الله يا أخي إذا علمت معنى أن القضية دين علمت عظم هذه المسألة وأنها دين ستقف بين يدي الله عز وجل تسأل عن هذا والله لأنك لا لأنك تحسب ألف حساب قبل أن تتكلم بالكلمة الله جل وعلا يقول ستكتب شهادتهم ويسألون اتفضل وعد الجواب إن كان ينتسب إلى أئمة السنة فهذه طريقة أئمة السنة وإن كان ينتسب إلى غير طريقة أهل السنة فلا حاجة لنا أن نضيع أوقاتنا في الرد على أمثال هؤلاء الشيخ دو نذير mon frère si tu sais que la situation c'est une religion tu vas connaître la grandeur et le danger de la situation. C'est une religion. Et demain, tu vas te retrouver devant Allah et tu vas être questionné. Prépare. Prépare tes réponses. compte, faites tes comptes. Et avant de dire quoi que ce soit, hein, faites tes comptes mille fois avant de parler avec une parole, de prononcer une parole. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, et il sera, leur témoignage sera transcrit, et ils leur seront posés des questions. Et des questions leur seront posées. Et cher de dire, allez, vas-y, prépare les réponses. C'est la personne appartient aux imams, à la voix des imams de la sunna, ben ça c'est la voix des imams de la sunna. Ici, il appartient à une autre voix que la voix hein, d'autres qui ne sont pas les gens de la sunna. Nous n'avons pas besoin de perdre notre temps avec et de répliquer à ce genre de personnes. Ce hal. Kadalika, ikhwanuna fi Bruxelles, ينتقدون فقط لأنهم يكثرون من الاستدلال بكلمة ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Et là une autre question mais qui maintenant concerne Bruxelles. Certains de nos frères à Bruxelles se font critiquer tout simplement parce que ils n'arrêtent pas d'avancer comme preuve devant ah, les demandes qu'on leur fait, les invitations qu'on leur fait à assister à un cours ou quoi que ce soit, ils disent, ils avancent devant le refus que ça c'est une science, que la parole de Ibn Sirin, ça c'est une science, regardez chez qui vous prenez votre science. Aïe, kullu marratin ya'ti insan li yatasaddara wa yajlis li tadris wa kada yutlab minhum an yahduru. فكثير من اخواننا لا يريدون الحضور ويقولون نحن لا نعرفه فعلا لا يعرفونه فيقدمون هذه الكلمة أمام جوابهم. Et beaucoup de fois, une personne apparaît pour donner des cours dans certains endroits à Bruxelles. Certains vont s'asseoir à lui et ils demandent à leurs frères de venir. Hein? Et beaucoup de leurs frères disent non, refusent de venir. Ils disent on ne le connaît pas. Et vraiment, ils ne le connaissent pas. Hein? Et ils mettent en avant, devant le refus, hein, cette parole d'Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala. فَكَثِيرٌ مِنَ الْإِخْوَةِ يَنْتَقِدُونَهُمْ عَلَى تَعَلِكَ. Beaucoup de frères les critiquent à cause de ça. يَنْتَقِدُونَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ يَتَحْفَظُونَ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْإِنسَانَ حَتَّى يَجْلِسُوا مَعَهُ. Et ils sont critiqués tout simplement parce qu'ils se préservent, ils ne veulent pas s'asseoir avec quelqu'un parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne vont pas aller prendre quelqu'un chez quelqu'un parce qu'ils ne le connaissent pas. Et donc beaucoup lui critiquent. لأن كثيرا من إخواننا في أوروبا مع الأسف الشديد يسمع فقط أن الإنسان أتم خطبة الحاجة من أولها إلى آخرها فيقول هذا هو الإنسان هذا هو أو الإنسان صعد المنبر لأول مرة وخطب خطبة بدون ورقة فيقول هذا هو فيبدأون يستدعون الإخوة وكذا وكثير من الإخوة يتوقفون يقولون لا نعرفه ولا نعرفه أين درس ولا نعرفه من أين أتى ونحن عندنا قاعدة فينتقدون على هذا. Et je continue à détailler la situation à Cheikh Abdallah et je le dis, beaucoup parmi nos frères en Europe, malheureusement, dès qu'ils entendent qu'une personne a terminé khutbat al-hajj du début jusqu'à la fin, ils disent ça c'est l'homme de la sunna par excellence. Ou quelqu'un, il monte sur le manbar, il a fait une khutba, une exhortation sans papier, il dit ça, c'est lui. Et après, ils commencent à inviter d'autres frères à venir assister, etc. Et certains frères, beaucoup de frères, s'abstiennent. Ils refusent d'y aller. Ils disent, on ne le connaît pas. On ne sait pas où il a étudié, d'où il vient. Et nous avons une règle. La règle, c'est la règle d'Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala et d'autres. Et quand ils parlent ainsi, ils sont critiqués. الجواب يقول الشيخ متن ولا ريبونس ديال الشيخ على كل حال هذه قاعده معروفه عند اهل العلم وهي اصل عند اهل العلم واهل السنه كما قال الامام ابن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فمن كان من اهل السنه اخذنا عنه ومن كان من اهل البدعه فرقناه كما في مقدمه مسلم في الصحيح وفي أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إلى غير ذلك هذا أصل وكان الواحد منه لا يعير سمعه لأي أحد إنما يعير سمعه من كان موثوقا وكان معروفا بالسنة والاستقامة ولزوم السنة فيها يسمع له وإلا فلا يجلس إلى أمثاله. هذه قاعدة بارك الله فيه بارك الله فيك. La réponse de Cheikh, de toute façon, ça c'est une règle qui est connue, c'est les gens de science. Et c'est un fondement chez les gens de science et c'est les gens de la sunna. Comme il a dit l'imam Ibn Sirin, rahimahullah, il ne posait pas de questions sur les chaînes de transmission. Et quand il y a eu la fitna et les perturbations, ils ont dit, donnez-nous le nom de vos hommes, citez-nous vos hommes, hein, pour voir les gens de la sunna, on prend d'eux et ceux de l'innovation, on les délaisse. Comme il est rapporté dans l'introduction de l'imam muslim. Et dans l'introduction de l'imam muslim, il y a aussi cette règle, cette science, c'est une religion, regardez chez qui vous prenez votre religion. Et ainsi de suite, parmi d'autres paroles qui sont des règles à ce niveau-là. Et quand le cher, ça c'est un fondement. Et il disait, auparavant, hein, les gens ne s'assiedaient pas chez quelqu'un, ils n'écoutaient pas quelqu'un. Tant qu'ils avaient pas, qu'ils ne le connaissaient pas, tant qu'il n'était pas digne de confiance, tant qu'il n'était pas connu de sa sunna, de la droiture dans sa religion, et tant qu'il n'était pas parmi ceux qui se comprenaient à la sunna. Dans ces cas-là, il écoutait, il s'asseyait, mais sinon, il ne venait pas, il ne s'asseyait pas. Ça, c'est une règle que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. يقول الشيخ هذه قاعدة عند أئمة السنة وعلماء السنة وصاروا عليها رحمة الله عليهم صاروا عليها ويعني سطروها ونظروا لها تنظيرا قوليا وتنظيرا عمليا فلا لوم عليهم ولا بد من الانتقاد يعني الواحد يريد أن يلزم السنة ما يبغي أن ينتقده من معاه لا بد من الانتقاد لكن الواحد يصبر يصبر على الحق لكن إذا ثبت أن الذي هو صبر عليه ليس من الحق قد ظن ابتداء أنه حق يرجع والحمد لله ما في إشكال. Il dit, Habidallah Ta'ala, ça c'est une règle chez les imams de la sunna et chez les hommes de science de la sunna. Et ils faisaient partie de leur voix que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. Et ils l'ont écrite dans leurs livres. Ils ont fait des théories à partir de, et des règles à partir de cette parole. Hein? Des règles au niveau de la parole, au niveau de la mise en application. Et, hein? Et donc, il n'y a pas de réprimande. Hein? Il n'y a pas à se sentir mal quand on nous critique en mettant en avant cette règle. Cheikh, il dit, il est obligatoire que tu sois critiqué. Et quelqu'un parmi vous veut se cramponner à la sunna, il ne veut pas être critiqué parmi ceux qui l'entourent et qui sont avec lui. Abedan, il est obligatoire la critique. Il va être critiqué. Mais il dit, la personne doit patienter, doit endurer sur le haq. Il se cramponner à le haq. Mais si il est confirmé que la chose sur laquelle il a été patient, c'est une erreur, et qu'il a cru au départ que c'est une vérité, il revient. Il revient tout de suite. Il a louange à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème. Sual 1. سؤال آخر كذلك كثير من الشباب يقعون الآن خاصة في أوروبا في فرنسا وبلجيكا يقعون في أحضان الحزبيين فقط لأن فلان من الدعاة المعروفين يأتي ويلقي محاضرة هناك في مركز أو مسجد مجاهد الحزبيين ويعلل فعله هذا أن أحد أفاضل العلم فعل هذا أحد أفاضل العلم يذهب إلى جمعية التراث أو إلى مراكز حزبية وكذا والشباب يقعون في أحضان الحزبيين. La question. Beaucoup de jeunes, on remarque que beaucoup de jeunes depuis un petit moment tombent dans les girons de la Hizbiya en Europe et surtout en France et en Belgique. Ils tombent chez les Hizbi. Tout simplement parce que tel prêcheur qui est connu et qui est réputé va et fait une conférence ou donne un cours dans un lieu de Hizbi ou dans une mosquée de Hizbi. Et il prétexte que l'une des éminences de science va à l'association Thorat au Koweït ou à des centres Hizbi où il donne des cours. Et les jeunes tombent dans le giron des Hizbi quand ils ce genre de compte nos frères font des cours et des conférences dans les centres de Hizbi. La réponse, ala kulli hal, hada min al-mafasid allati nuhaddiru minha من الحضور والجلوس والذهاب إلى هذه المكان الحزبية والجمعيات الحزبية والمحاضرات فيها أن يضل إخوانك من أهل السنة وهذا فيه تكثير تكثير سواد أهل الباطل إلى غير ذلك. فليش نحن نوقع أنفسنا ونوقع إخواننا في هذا، وكونه كما قلت أنه ذهب بعض الأفاضل إلى هذه الجمعيات. أنا قد بينت قبل قليل، قلت لا تستدل بخطأ وقوع أفاضل فيه أبدا. هل فعل هذا فعله أئمة السنة؟ أبدا ما فعلوه، حتى في عهد أحمد رحمه الله وبعد أحمد وقبل أحمد ما فعلوا هذا، بارك الله فيكم. La réponse est simple, il dit. De toute façon, ça, ça fait partie du mal et des inconvénients et des choses duquelles on avertit de ne pas aller faire des conférences et de s'asseoir dans ce genre de lieu, dans les genres de ne pas aller dans les lieux de Hizbi, mosquée, au centre, etc., ou dans les associations de Hizbi, etc., et de faire des conférences pour que, parce que ça, ça fait égarer tes frères des gens de la Sunna. C'est la cause de l'égarement de tes frères de la Sunna. Et ça fait aussi partie des choses comme quoi tu augmentes le nombre des gens du faux et ainsi de suite. Pourquoi on tombe dans ce genre de situation? Et en plus on fait tomber nos frères dans ce genre de situation. Et quand tu dis que certains, comme tu as dit que certains nobles de science vont à, nobles hommes de science vont à ce genre d'association, je t'ai éclairé auparavant. Je t'ai dit, ne prends pas l'erreur d'une imminence de science. Hein, comme preuve. Est-ce que ça a été fait par les imams de la Sunna? Abadan, ils ne l'ont pas fait, ni à l'époque de l'imam Ahmed, ni à l'époque, hein, ni après l'imam Ahmed, ils ne l'ont jamais fait. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Il ne faut pas prendre comme preuve l'erreur d'une éminence de science ou d'un noble homme de science, hein, et agir ainsi. Et j'ouvre une parenthèse, je dis, moi, toi, en tant que prêcheur en France, qui sommes-nous? Hein? Est-ce que nous sommes dignes de l'effort d'interprétation? Hein? Pour pouvoir drainer nos frères et nos sœurs vers des lieux duquel on ne sait pas ce qui va leur arriver après. Et je résume l'assise avec ceci, et ceci concerne le frère de Bruxelles, le sujet de Cheikh Abdallah Al-Salam Al-Kharraz, hein? De la mosquée de Tawhid à Bruxelles. Comme il m'a été demandé par le frère de le demander à Cheikh Rabi, dans la chambre en haut de Cheikh Rabi, en présence de Cheikh Ahmed Zahrani et Cheikh Ali Ramli et du frère Mohamed Taklid de Douai et du frère Ashraf, l'Égyptien, un ami très proche et un frère en Allah Azza wa Jal qui est proche de Cheikh Rabi, et un jeune étudiant de Cheikh Zaïd qui était présent là, j'ai dit à Cheikh Rabi la main, et j'avais la main parce que c'était le moment de le saluer, de partir. Ma main dans sa main, j'ai dit à Cheikh Rabi que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, il lui donne la santé, il le guérisse et qu'il ne fasse profiter de sa science et qu'il allonge sa vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, tes enfants en Belgique te disent qu'il y a quelqu'un chez eux sur le manbar, il a dit qu'il est votre ami. Et il vient vous visiter tous les ans. Il s'appelle Cheikh Abdeslam Al-Kharraz. Et il a une mosquée. Et Cheikh, il me dit, je ne le connais pas. Après, j'ai dit à Cheikh, mais dans sa mosquée, il y a Abdelkader Shoua, de la clique de Adnan Ar'our, qui vient conférencer chez lui. Et quand il a entendu cette parole qu'il y a Abdelkader Shoua qui vient conférencer sur lui, il a retiré sa main de ma main et il a dit, dans ces cas-là, je le dis à vous. Je ne le connais pas, je le dis à vous. Hakada barakallahu fikum. Donc ainsi se terminera cette première série. Et je rappelle que l'audio arabe de cette série, je l'ai bien envoyé à notre frère Abbas. Hamidallah, que Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers le bien. C'est le seul que je lui ai envoyé parce que c'est celui-là que m'a dit Cheikh Abdallah de lui envoyer. Et Cheikh Abdallah, on lui a parlé de son audio, il a dit il faut lui envoyer d'abord. Alors qu'auparavant, il était sur le fait de ne pas lui envoyer, de le publier directement. Mais après, il a changé d'avis, Hamidallah ta'ala, et nous avons mis en application ce qu'a demandé Cheikh Hamidallah ta'ala, et la demande de Cheikh Abdallah m'a été transmise par notre frère Suleiman de Guadeloupe, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve.